Vacances, gain de plaisir, ça c'est un bagaille que le passant comprend. Tout le monde va aller dans bal, dans cinéma, dans tout belle champêtre. Au contre les belles timons, on fait tirer vers ou dans ses bloquets. Pas de gens gagnant des pauvres qu'à bégaler. Dans cinéma, dans tout fait champêtre.